السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Chers frères et sœurs, on remercie Allah Azza wa Jal de nous permettre de continuer la lecture et l'étude de l'épître Les Trois Fondements du grand savant de l'islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous sommes actuellement dans la troisième assise. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. L'auteur du livre rahimahullah ta'ala a dit: sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que la religion pure est la religion d'Ibrahim, qui est d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est ce qu'Allah a ordonné à l'ensemble de l'humanité, et c'est dans ce but qu'il l'a créé. Comme il a dit dans sa parole: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le terme qu'ils m'adorent signifie qu'il me voue un culte exclusif. La chose la plus importante qu'Allah a ordonnée est le tawhid, qui consiste à vouer l'adoration à Allah Azza wa Jal seul. Et la chose la plus importante qu'Allah a interdite est le polythéisme, qui consiste à adorer autre que lui avec lui. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Dans la parole de l'auteur, rahimahullahu ta'ala, i'lam arshadaka Allahu li ta'ati, sache qu'Allah te guide vers son obéissance. Nous avions déjà expliqué dans les cours précédents ce qui était voulu de la parole sache. Ceci est qu'il veut à travers cela attirer l'attention du lecteur et de l'étudiant en science. Ensuite, il dit qu'Allah te guide vers son obéissance. L'auteur, à travers cette parole, invoque en faveur du lecteur et de l'étudiant en science. La guider, c'est qu'Allah te guide vers le chemin de la vérité et te permette d'œuvrer et d'accomplir les bonnes actions. Car beaucoup de personnes connaissent la vérité, mais ne sont pas guidées vers la mise en pratique de cette vérité. Quant à l'obéissance, c'est d'être en conformité avec ce qui est ordonné dans le Coran et la Sunna, en appliquant les ordres et en délaissant les interdits. Dans la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, anna al-hanifiyyata millata Ibrahim. Al-hanifiyya est la religion d'Ibrahim. Le sens de al-hanifiyya, c'est le fait de pencher du shirk vers le tawhid. La religion d'Ibrahim, c'est de se diriger pleinement vers Allah en penchant du shirk vers le tawhid. Et c'est sur cette religion qu'était tous les prophètes, alayhimus salam. Parmi les caractéristiques d'Ibrahim alayhi salam, el-hanif, celui qui se détourne totalement du shirk et se penche complètement vers le tawhid. Allah Azza wa Jal a dit: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dans le sens rapproché du verset, puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim, qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Sourate An-Nahl, les abeilles, verset 123. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Dans le sens rapproché du verset, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah et il n'était point du nombre des associateurs. Sourate Al-Imran, verset 67. Allahu Azza wa Jalla ordonne à son prophète de suivre la religion d'Ibrahim, alors que c'est la religion de tous les prophètes. Ceci car Ibrahim alayhi salam est surnommé le père des prophètes. Effectivement, car tous les prophètes qui sont venus après lui font partie de sa descendance, dont notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est cette religion qu'Allahu Azza wa Jal nous ordonne de suivre? C'est celle que l'auteur a mentionnée dans sa parole, c'est que tu adores Allah en lui vouant un culte exclusif. L'adoration à Allah Azza wa Jal, dans son sens général, c'est d'obéir à Allah en appliquant les ordres d'Allah et en délaissant ses interdits, le tout avec humilité et amour. Quant à l'adoration dans son sens particulier, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit: c'est un nom qui englobe, l'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents ou cachés. Dans la parole de l'auteur, Mukhlisan lahuddin, en lui vouant un culte exclusif, sincèrement. C'est-à-dire de ne chercher à travers ses actes d'adoration que la face d'Allah Azza wa Jal. Allah dit à cet effet, fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Sourate Az-Zumar, versets 2 et 3. Allah dit également, subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Dans le sens rapproché du verset, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif. Sourate Al-Bayyina, verset 5. À travers ce point, il y a la mention d'une des deux conditions de l'acceptation des œuvres, qui est la sincérité. La sincérité, celui qui adore Allah mais qui n'est pas sincère dans ses actes d'adoration pour Allah, alors son acte ne sera pas accepté. Comme celui qui prie, qui jeûne, qui donne la zakat, qui accomplit le pèlerinage, mais qui commet de l'ostentation dans ses actes, ou recherche à travers ses adorations, ses actes, la renommée. Alors ses actes ne seront pas acceptés de lui. Également celui qui voue des actes d'adoration pour autre qu'Allah, comme invoquer les saints, les gens des tombes, les prophètes, les anges ou autres. Ceci est du polythéisme qui contredit la sincérité, la religion de Ibrahim, alayhi salam. Quant à la deuxième condition pour que l'acte soit accepté auprès d'Allah, c'est la conformité avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui dont ses œuvres ne sont pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même il serait sincère, alors son acte ne sera pas accepté auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha, celui qui commet un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, alors son acte sera rejeté. Il faut donc, pour que l'acte soit accepté auprès d'Allah, deux conditions qui sont la sincérité pour Allah et que l'acte soit en conformité avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la parole de l'auteur, rahimahullahu ta'ala, وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. C'est ce qu'Allah a ordonné à l'humanité et c'est dans ce but qu'il l'a créé. Allah a créé les hommes et les djinns pour qu'ils l'adorent. Et ils ont reçu l'ordre de concrétiser l'état de servitude à Allah Azza wa Jal. Ensuite, il mentionna la preuve de cela. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il y a à travers ce verset la sagesse religieuse du pourquoi de la création de l'homme. Allah Azza wa Jal les a créés pour qu'ils l'adorent, seuls. Et il faut savoir que dans le même temps, Allah n'a aucunement besoin de cette adoration, de l'adoration des gens. Bien au contraire, ce sont eux qui ont besoin d'adorer Allah Azza wa Jal. Car le profit de l'adoration revient aux serviteurs. S'ils adorent Allah Azza wa Jal, Allah les honorera et les fera entrer au paradis. De même que la désobéissance du désobéissant revient en mal sur le désobéissant. L'obéissance de celui qui obéit à Allah ne profite en rien à Allah, comme la désobéissance de celui qui désobéit à Allah ne nuit pas à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit à cet effet: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Si vous êtes ingrats, dans le sens rapproché du verset, si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, alors sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ensuite, l'auteur du livre a dit وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ. Et le terme qu'il m'adore veut dire qu'il me voue un culte exclusif, c'est-à-dire qu'il voue à Allah tous les actes d'adoration. Ensuite, l'auteur du livre a dit وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. La chose la plus importante qu'Allah a ordonnée est le tawhid, qui consiste à vouer l'adoration à Allah seul. Pourquoi le tawhid est la plus grande chose qu'Allah a ordonnée? Car c'est l'essence de la religion même. Et c'est ce pourquoi la personne a été créée. Et tous les ordres et les obligations viennent après le tawhid. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, ou Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, dans le verset, pardon, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dans le sens rapproché, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Surat An-Nisa, verset 36. Dans ce verset de Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jal, dans la continuité du verset, Allah mentionne plusieurs droits à préserver et à concrétiser. 10 au total. Et il commença par mentionner son droit. Adorez-moi et ne m'associez personne. Ensuite, il mentionne le droit des parents, des proches, des voisins et autres. Et ceci dans plusieurs versets du Coran. Allah Azza wa Jal dit وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dans le sens rapproché du verset, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et les mères. Surat Al-Isra, verset 23. Allah commence par mettre en avant son droit, et ceci montre que la chose la plus importante est le tawhid. Ensuite, l'auteur du livre a expliqué le tawhid en disant « C'est le fait de vouer tous les actes d'adoration à Allah Azza wa Jal seul. » Ici, l'auteur explique le tawhid avec l'unicité de l'adoration, alors que le tawhid est de 3 catégories, l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité dans les noms et attributs. Ceci car l'égarement des polythéismes est plus répandu dans ce domaine. Et c'est dans ce domaine que les prophètes et leur peuple étaient en désaccord, dans l'unicité de l'adoration. Bien que les gens se sont aussi égarés et ont eu des déviances dans l'unicité de la seigneurie et dans les noms et attributs. Nous voyons à travers ce point que l'apprentissage, l'étude de la croyance passe avant toute chose. Elle est la base. Il est donc obligatoire à chacun d'apprendre sa croyance et d'être constant dans l'apprentissage de sa croyance. De même, il convient d'enseigner et de corriger ce qui a été corrompu et mal compris auprès des gens. D'ailleurs, le grand savant Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala, disait « corriger est plus dur et plus pénible que de construire. Corriger ce qui a été mal compris d'une mauvaise manière est une tâche difficile qui requiert de la science, de la compréhension, de la patience, de la sagesse, savoir par où commencer et par quoi commencer. Mais ceci est facile pour celui qui a été assisté par Allah Azza wa Jal. » Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a dit « Wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk. » La chose la plus importante qu'Allah a interdit est le polythéisme, qui consiste à adorer autre que lui avec lui. Pourquoi le shirk, le polythéisme, est la plus grande chose qu'Allah a interdit? Car le polythéisme est le contraire de ce pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créés. Allah a dit dans Sourate Al-An'am, versets 151-152, قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Jusqu'à la fin du verset ou des versets. Dans le sens, dit, venez, je vais vous citer ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, jusqu'à la fin des versets. Ces versets sont appelés les versets des recommandations. Et la première chose qu'Allah mentionne, c'est de ne rien lui associer. Et ceci montre que le polythéisme est la plus grande interdiction. De même, dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, rapporté dans l'authentique de Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné. Quel est le plus grand péché? Il dit, que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Puis lequel? Il dit, que tu tues ton enfant de peur qu'il mange avec toi, c'est-à-dire en craignant la pauvreté. Puis lequel? Il dit, que tu pratiques la fornication avec la femme de ton voisin. Allah fit alors descendre ce verset pour confirmer la véracité de cela. Il dit dans Sourat Al-Furqan, « Ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sauf à bon droit, qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. » De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Huraira, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الحديث. Dans le sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit éloignez-vous des sept péchés qui mènent à la perdition, qui détruisent. Ils dirent, quels sont-ils, ô messager d'Allah? Il dit, le polythéisme, la sorcellerie, tuer l'âme sans droit, jusqu'à la fin du hadith. On voit dans ce hadith qu'il a commencé par le polythéisme. Il faut savoir également que celui qui meurt sur le polythéisme, Allah ne lui pardonne pas. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, et en dessous de ça, il pardonne à qui il veut. Sourate An-Nisa, les femmes, verset 48. De même, celui qui meurt sur le polythéisme, le paradis, l'entrée au paradis lui est interdit. Allah Azza wa Jal dit, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Dans le sens rapproché du verset, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu et pour les injustes, pas de secoureur. Sourate Al-Ma'ida, verset 72. Ensuite, l'auteur donne la définition du shirk. Dans sa parole, le shirk consiste à adorer autre qu'Allah avec lui. Dans le sens, le shirk, c'est de vouer un acte d'adoration à autre qu'Allah ou avec Allah Azza wa Jal. Nous voyons à travers ce point que le polythéisme est un péché immense, dangereux et abominable. Car comment la personne peut invoquer, demander l'aide, le secours, espérer, avoir peur, faire des vœux, sacrifier, s'humilier pour autre qu'Allah, s'humilier pour ceux qui ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date, qui ne peuvent créer et qui sont eux-mêmes créés, qui ne seraient créés la créature la plus vile aux yeux des gens qui est la mouche. Ils sont morts et ne savent même pas quand ils seront ressuscités. Comment la personne peut-il leur vouer des actes d'adoration et délaisser le créateur de toutes choses, celui qui possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, celui qui administre tout, qui donne la subsistance, qui donne la vie, la mort, qui guérit, qui fait descendre la pluie, celui qui possède les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. Allahu Azza wa Jal, le seul à mériter l'adoration. Gloire et pureté à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Voilà pourquoi le shirk est une abomination, une énorme injustice et un grave péché. On demande à Allahu Azza wa Jal de nous préserver de cela. Nous nous arrêtons sur ce point. La semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, nous rentrerons dans l'explication des trois fondements. On demande à Allahu Azza wa Jal de nous compter parmi ceux qui prêtent l'oreille à la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته